Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. C'est l'émission Interbrezonec avec Henri Le Naou, les chemins du breton, Kentel, Perron, Un, Perron, on est qu'à Trugen. On est qu'à Trugen, 471, c'est ça Henri? C'est ça. Ça va? Ça va bien. Parce que de glaive? Parce que de glaive. On commence par Guerrier Avué, comme d'habitude? Oui, alors aujourd'hui, c'est un mot un peu compliqué. J'ai longtemps reculé avant de le traiter. Mais enfin, comme c'est un mot quand même très employé, il a fallu que je m'y mette. Alors c'est Penveit. Penveit. Oui, alors il y a plusieurs prononciations, ça s'écrit P-A-N-E-V-E-D, et c'est très difficile à traduire. Alors déjà, c'est une phrase, on pourrait la traduire par « si ce n'est ». C'est une phrase qui est devenue un mot. Alors, comme Kenavo, par exemple, hein, c'est un autre cas. Et donc, alors, c'est ce type de mot, d'après André Mercer, c'est une conjonction, mais on peut pas vraiment dire ça non plus. C'est une phrase mot. Alors, en français, il y en a très peu. Hein. Il y a, par exemple, bout en train. Ah oui. Un bout en train. Un mont en l'air aussi, pour un cambrioleur. Mont en l'air. Il y a le mot rendez-vous aussi. Rendez-vous, c'est une petite phrase qui est devenue un mot. Et vache qui rit. quand on dit vache qui rit, on pense au fromage. On pense pas à une vache qui est en train de se marrer dans le pré. Donc c'est devenu un mot en fait quoi. Avec des dents en haut en plus, voilà. Qui est quand même scandaleux quoi, pour une vache. Oui. et c'est vrai que. C'est un procédé de transformer une phrase en mot. Par exemple, en créole, ça se fait beaucoup. Dans le créole à l'île de la Réunion, par exemple. Mais en français classique, ça se fait très peu. Donc voilà. Alors, comment traduire ça? André Mercer dit n'eût été. N'eût été. N'eût été. Par exemple, il va dire Penveillida de Vigée d'Orstal de Val. Sans son père, son affaire aurait mal tourné. Il aurait fait de mauvaises affaires, quoi. Voilà. Alors, donc c'est un peu difficile à traduire. Il y a, par exemple, des proverbes sur Penveil, comme ça. Par exemple, « Ney Penveil d'Orvis, di wan ferog vris ». L'orge, s'il n'avait la honte, germerait avant la herse, c'est-à-dire germerait avant d'être semé. Quoi. Ça, c'est mon beau-père qui m'avait appris ce proverbe-là. Quoi. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi le sens d'un proverbe comme ça? Ça veut dire que l'orge germe très facilement en terre. Et sans la honte, il germerait avant même que le sol soit travaillé. Et il y a un autre, c'est Ervoglas penveig d'Orvis, Ziwan ferre... Alors, Voglas, Penveig d'Orvis, Boarfetien Kulf, Velenderzir. Le être vert, s'il n'y avait la honte, brûlerait aussi bien que du chêne sec. Alors, donc voilà, c'est très subtil. Hein. Ça brûle pas mal vert, le être. Oui, ça brûle vert, oui. Ça brûle en vert. Et même, il vaut mieux qu'il soit pas trop sec, parce que là, ça brûle comme une allumette. Voilà. Alors ça se conjugue aussi. Alors le mot conjugué, c'est pas le mot qui convient, mais enfin c'est celui qu'on utilise parce qu'on n'a pas l'équivalent en français. Donc comme évite, hein, évidon, évitant, éviter. Hein. Donc ça donne penveidon sans moi, hein, penveidout sans toi, c'est-à-dire si tu n'étais pas intervenu quoi. Penveitant sans lui, penveiti sans elle, penveidom sans nous, penveidor sans vous, et penveite sans eux, sans leur intervention, quoi. C'est... Voilà. Alors, dans le langage figuré de Jules Gros, il dit qu'on peut trouver, par exemple, penveidon, et si on veut dire plus fort, c'est penveidinme. C'est-à-dire, là, c'est vraiment quelqu'un qui dit que c'est grâce à lui, c'est grâce à moi que quelque chose a été fait, quoi. Pein vei din me, ne vigiec e begren en drase. C'est une affirmation négative. Voilà, oui, c'est assez particulier. C'est assez particulier, oui. Alors, on trouve aussi pein vei de zé, hein, sans cela, hein, voilà. Donc voilà un mot un petit peu compliqué à traduire, mais bon, qui est... Alors j'ai... L'autre jour, j'étais au festival de la danse pline, là, au Danouette, et j'ai interrogé des gens pour leur demander s'ils connaissaient ça. Et il y a à peu près la moitié des gens qui connaissent ce mot-là, mais il y a la moitié qui connaissent pas. Donc c'est un mot qui est un peu tombé en désuétude. Et pourtant, c'est très pratique. Penveit. Penveit. On en reste là pour Guerrivoir Vuet. On passe à Brezhonek Tamm à Tamm. Brezhonek Tamm à Tamm, et on parle avec Henri, c'est pas un dialogue aujourd'hui, on parle des rimes. Oui. Les Bretons adorent rimer. Oui, on aime beaucoup ça, parler en rimant. Il y avait des gens autrefois qui étaient très très bons pour faire ça, qui faisaient des rimades avec n'importe quoi. Et alors dans la vieille poésie bretonne, il y avait des... Alors la rime, c'est clotten, hein. Et donc, comme c'est un mot féminin, ça donne glotten, la rime, et au pluriel, clotez-nous. Et dans la vieille poésie bretonne, il y avait des rimes internes. Un système très compliqué de rimes internes. Parce que, en français, on fait toujours la rime à la fin de la phrase, enfin, ou du vers. Hein, tandis que dans la vieille poésie bretonne, on faisait des rimes à l'intérieur des vers. Et il y a des auteurs plus modernes qui ont réintroduit ce système-là. Comme Amédée Kosick, par exemple, un poète qui a été tué à la guerre 14, et qui était le fils de l'instituteur de Pemrite, d'ailleurs, et qui avait réintroduit des rimes internes dans ses poésies. Voilà. Clotet nous dit à Bars. Alors, on va pas s'attarder là-dessus. Peut-être qu'un jour, on en fera une émission là-dessus, sur les Clotet nous dit à Bars. Mais là, on va parler des rimes un peu classiques, quoi. En breton, on dit souvent rimadel. Hein. Rimadel, c'est un petit poème. Hein. On dirait un haïku maintenant. Hein, oui, souvent, genre un proverbe, un petit peu, hein, et qui est rimé. Hein. Et des fois, même, c'est un peu forcé pour que la rime se fasse. Hein. Le sens est un peu déformé, un peu contraint, pour qu'on arrive. Alors, il y a aussi une autre expression qu'on trouve pas souvent, qui est rimoustaden. Hein. Rimoustaden, c'est un peu le même sens que rimadel. Hein. Dans le dictionnaire de Favreau, il traduit aussi rimoustaden des fois par le mot sornette. Rimoustaden tatkos, hein, des choses qu'on répète tout le temps comme ça. Hein. Voilà. Alors, donc, je vais en citer quelques-uns comme ça. Il y en a un que j'aimais bien, c'était une dame de Pemrite, la Mayanoïne, qui m'avait appris ça, et je le ressors de temps en temps, c'est « Hantorguir, Hantorgo », Dissement tout d'un trou. À moitié vrai, à moitié faux, toutes choses sont ainsi. Quoi. Je trouve que ça s'applique très bien à notre société. Quoi. C'est un peu fataliste. oui, mais souvent quand je regarde la télé, j'y pense. Pour essayer de trouver la moitié de mensonge qu'il y a dans chaque chose. Quoi. Voilà. Alors des proverbes, il y en a beaucoup hein, qui sont basés sur la rime. la rime finale, hein, par exemple, Gwele 40 et Leizen Dorn, Evin Mad ou Leize Vorn. Dorn qui rime avec Vorn. Hein, il vaut mieux de l'amour plein la main que des biens plein le four. Voilà, quelle idée d'aller mettre ses biens dans un four. Comme quand leurs autres, Ray de Gwela, Ray Guir, Guinis d'Ormor. Ray Flour, Guinis d'Ormor. Parler avec un seau, il vaut mieux donner de la bonne farine à un cochon. Donc, il vaut mieux s'abstenir de parler avec un seau. Alors, zone, c'est entre seau et fou. Hein. En breton, c'est plus fort que seau. Hein. C'est entre le seau et le fou, quoi. Voilà. Alors, encore dans les proverbes, « Gwele vurnes et vit pin vidiges ». Là, la rime en « es », quoi. Il vaut mieux la sagesse que la richesse. Bah, ça marche en français aussi, tiens. C'est pas mal. Un autre qui m'a été appris par ma grand-mère, qui disait souvent ça, de Mismeurs Ben Cuchol, Coin Noir and Dole. Au mois de mars, à la tombée de la nuit, le repas sur la table, le dîner sur la table. C'est-à-dire c'est le moment où on peut commencer à manger à la lumière du jour, le dîner, quoi. Voilà. De Louarn Kousken de The Tambouit. Alors là, on reviendra un jour sur la rime en eut, hein, qui est souvent celle du participe passé, kousken. Hein. Donc, au renard endormi, il ne vient pas de nourriture. Voilà. Donc. Ça, c'est pour taper sur les feignants. oui, bien sûr. Oui. La valeur du travail est quand même primordiale. Oui. Pic-pévran de Gand. Ça, c'est Alors, la pie ou le corbeau chante, ça veut dire qu'on peut rien faire en douce, qu'il y a toujours quelqu'un qui a vu et qui chante, hein, Pic Pévran de Gand. Il y avait une émission qui s'appelait Pic Pévran sur RKB autrefois, hein, Pic Pévran de Gand. Un autre, la version soft, disons, un nini ne se que d'orsi, un ne se d'aupédri. Celui qui n'a pas un défaut en a deux ou trois. Il y a des versions plus dures. Voilà. Bonne. Alors donc, voilà, un petit peu pour introduire le sujet. Alors il y a des chansons qui sont basées sur les rimes comme ça. Par exemple, il y avait une chanson sur les maires, les maires M-A-I-R-E, hein, S, les maires du pays, par exemple. Notre au maire de Zedière Grise, au Polson, n'année que triste. Hein. Le maire de Kergrist est un homme droit, hein, et qui n'est pas triste, quoi. Il y a une autre version pour Kergrist, c'était Notre au maire de Zedière Grise, Gwelor Viguine Gavergiste. Oui. Et alors, le maire de Plounévé, c'est le contraire. Notre Homer, plomb et quintine, gueuleur vigiste, gaver guin. Là, on voit l'importance de la rime, hein, bien sûr. Voilà. Alors, il y avait, comme ça, pour tous les maires, hein, il y avait quelque chose comme ça. Notre Homer, puru de l'or, benevigel d'apoerbor. Le maire de Pemrit de l'or, hein, parce que c'était un nom qu'on donnait souvent à Pemrit Quintin. La prochaine fois aura le bouc, c'est-à-dire perdra les élections. Quand on gagne, on a Hermout, ah, et oui. Quand on perd, on a Herbor, quoi. Donc, alors cette voilà. Donc là, on voit que c'est la rime est très importante, quoi. Il y avait une autre chanson qui était basée là-dessus. C'est une chanson où un homme énumère les maîtresses qu'il a, enfin les maîtresses, les bonnes amies, parce que le mot maîtresse en breton, maître, c'est pas la même chose que la maîtresse en français. Donc, où il énumère ses conquêtes féminines, en fait, quoi. Agonelle, moi, béroise, deux ans, ni goudes. On se dit, ouais, mais qu'émerède, y'a ville au Nandouille. Voilà, donc, j'en avais une de Saint-Nicodème. Celle-là m'avait pris pour une Nandouille. Agonelle, moi, béroise, deux barousses du haut. On se va au blanc, man, manivet que l'eau pote. J'en avais eu une autre de Duyotte. Elle mourra cette année si elle ne trouve pas un homme. Voilà. Et alors, on passait toutes les communes du coin aussi. C'est le même principe, quoi. Et donc là, on voit le texte, en fait, est guidé par la rime, quoi. Et ça, c'est un amusement que les gens aimaient bien avoir. Autrefois, un amusement par rapport à la rime. Alors, la prochaine fois, on parlera un petit peu de différents types de rimes. Alors, bien sûr, les rimes, on les trouve dans les chansons et dans les cantiques aussi, quoi. Dans les cantiques, parce que les prêtres, en général, c'est des prêtres, pas tous, hein. Philomena Cadoret, par exemple, a fait des cantiques. Il y a d'autres personnes, mais c'est souvent des prêtres, quand même, qui ont fait des cantiques. Donc, et qui avaient un riche choix de rimes, comme ça. On pourrait faire un petit dictionnaire des rimes aussi. Mmh. Ça existe en français. Je ne sais pas si ça existe en breton. Moi, j'ai même entendu des cantiques en breton qui ont été détournés. Ah oui, ça c'est un grand plaisir aussi, quoi. Mmh. Ora pro nobis, tulere abritia humoris. On ne traduit pas. On ne traduit pas ça, non. On en reste là, Henri. On en restera là pour terminer. Allez, Kenavo. Allez, on passe à Petrazone Verbro. Petrazone Verbro, Eri. Ma calze drau et vel juste, buervé jiuzan. Krogom de diantan, vel kiz accustum, gandela bourdouar. Agorvu et war armes. O ne peut concours y'a outiese que zo bene vesso bavro. Das koyam es gwele doa beba bea. D'or pember vis tremenet. Pemwarnu gun belar in mod. Des omus tremenet. Baboulvri a wa mames dim et d'or beurre. Babea wa olon warnugen. Olon diese warnugen. Ag baboulvri ag wa pempa tregon. Bon, pez ne que fal benefin, hein, chomor atiez ek bavro. A gwellen meus zo bet de ive o honkour ba gourin, bez ezo ba videur morbi, hein, ba misvouen, hag zo bet de ive o honkour ba uzel hag onel ba korle, a de bember mis gwen golo ou evo honkour bras ba lambal, vid odo an ant, neket, neket, tino odo an anternoz, me odo an arvor. Bon, hag aze vo kal ze diez ek evel just. Peon no komz deus tiezek, ba gourin, vid gwell a rampouz, zo be gred, zo be diskoezed, ur manej gant pid ur jo, gant pid ur brer, pe la rinmat, a gant zezo gant per jo, ma peson, evit treil ur vaneuzen, pe un dorner az ma peson. A gwejel vi je impli e kalz ur manej, evit dornan un est, hag evit mekanik pilarlan. A zeo an energie eus pardus, vel velar ad bremañ. A heb zo tradur bet, mel un tamp kor tiez eg matrezen. Gwechel, bon, vi chanj un tamp gwechel, ba oa guin naunet ur muskade, ma karet, gro plan zo ive, ur muskade, oa liam eut gant breiz. Hag la revige emam eus oa guin ur vretonet. A bremañ ve komzet eus ur muskade, vel ur guin, de Strangien Liger, hein, Val de Loire, ma peçoine. A colle des gantans identitéles breis, hein. A gondé n'empard ou arguin ur rose, ou guen d'anglet, Alain Corot, un neus disqueuse d'oise on draval et vite converseur, ur guinz, et colle gantans identitéles. Ma vegret de guin, bah, creiste breis, hein, bah, bro d'anglet, l'air elle vegret tientor bir pégiste. Hag blanc meus obet d'ar honkour randvrouel, vid ar giz, ba kastel duket breiz, ba naoul el giz mat. Hag an se ve gwell el war, ma naoul de breiz. Hag ar giz seus obet be bamzor d'ar bun vidig eus evit breiz, hag voz ur war, ba lamzor de zon. Dans mon tom, bremañ war dachen an endro, ne vezo ur varnerien, un eus kasset de val et tout de lemo a bet en ur borz, Naoulet, P.R. Borz, Itron, Varia, Lanneia. Hag nekeret bouzouen ganze, car justice neketien, justice an derouan, bremañ gant un tukrin, a ur maout ka eze erbat. A disman kont ba fine bla, oa mamez dachen vo ba Paris, o pezo ver an bras, on o ver an etro vo adel, oa dachen a skelamza, pe lima ma peswan. à Guerre-Vic-Lève de voyer dans le calze d'ut, hein, et vit de quoi la guise au moyen de Vondoirog ou Arendasense. À Gouskoud et de Spismus-Clève, ben très grande larme, vos divèges murs hirinis, banner, et vit nos ombrements. À Grancé et Couz Montegous, que de Veljonge, à la Hefetro ou Arog ou Arendasense. Mais je vois vos temps mal de réseau aux causes mobilettes en Ganteag. Réel d'air au monde quand Kirinich devant les Warerbeet. Des vaisseaux, Hervé Calcul ou NIGN, et Ben Handwet Zandkarad Kreisbreis. L'art de Rang, mon Zandkarad, juste bas Kreisbreis. Ag Virion, n'est que Gur, plusieurs Zézo. Kreisbreis, Med Breis, grand père département. Ag Gansé, Zénusque Dalvoudeg, Zbet. Virion et Chris Brace Orvro, zo un temps mat pelor ou Arthur Zaviol. Ma vezel en marat. Dans mon temps, vraiment, ou Ardash en Zévenadio. Sans ce loi, cusu leur ministre de Gomes en dédié aux Andes, Miswen, de Scarta, Euriez ou Guasket. Et Veloabé promettent quand Fanche Hollande, Péwa Kambali, Triblasso. Warank d'agnez au bicombe de si, mais que quoi les voir gazetten, mais de bonne président de Camperigos, Camperigos et Arsena, goudrette, oui, ben c'est Arsena et Camperigos, Neuslar et notre ou l'archer, Neuslar de Ray Seispos subi Ray Lamb de Nafars, et veulent juste à vous quoi de Jacobine au labour de Dorn à Dorn, Jacobine de Stuguen à de Sturu, et Nobder Vrankis, hein, il y avait juste, Velkis à Custum. Bagat Boulevriag, Zoet, Wadi Glasso, ban drive de Ruma des Vigueurs, Bagadou. Ag, aide vraiment, Drevors Labourat, Banei Rumat, Deuxor Bagadou. A Zézon Dravor, des villes de Skipay. Avis de Dominique Rouez au Bapen en Trou, à Chansvader Bagat Boulevry à Gnahan. Vraiment, en de Gomes, on tombe de ce Gouel en Orient, de ce Phil Velvelard, à ce Bédigas et Pays de Blanc, dit Ouvro, à ce on tombe à même ce Stade et Velbreis, Bro Kernov, hein, Kernever, ma personne, de son tu, à de ce, énésénement, ben tuel. À que, et non, ben d'ouvrose, man, un trou, un tombe vers le braise, riez ou zo bé mouget, et vers l'embraison de gebraise. War énésénement, zo, wardro, perrugen mildeen. À zo d'auville, à que zo war un tombe, tombe d'homme armand, hein. Zira très d'eau à tri, Dragon de Zundut. Bon, quand c'est Vélard, on voit quel tigre, hein, quel tigre, hein. A guévi de, Herneveg, bon, mon, trop, quasi war ma meusmout. C'est tu, tristoire, stade riez ou ze, ba broyo. Zobépé de blanc me, ba, mandorian. Bah non, mon, amzer, pardon, yo, bavro. Bon, calz, neptor, du, de ve, on de va pardon yo mais derne me mestra zo chomet et vel pardon zan di bon galag et abibon jon je peux gambe ba chap ba plevin ya ag wem que va pardon mais be wem on va de nena ag zo gret blanc me vit zan di bon au or bagnol neve hein on en neve son a scrive war na yo brison zan abibon pe de dividend du poignet. Bon, à Zizou, un dravard, à Gouel Meusler, elle, veguet, bandiel, au vraiment, bandiel, au neve, puis dire, rigos, ou aïeus, mat, hein. On dé, nazo, hanave, mat, bavro, puis ça, mot de l'arfendard, Jean Kerngrist, puis Jean Hamon, hein, et Gaftine, et Yhang, l'heure, on est Jean Kerngrist, à toute d'une de jonge de ce furluc inatomique, puis à de ce furluc in laboureur doua, Hag vraiment neus lid di i rentor kan la war leuren. L'ar ni wake na vo de leuren, o ne babla yo zo, me ra de de, a blan me neus ave d'or pezoar, i gant di gomper l'or joint, a zo hanve d'or pa bor ve agi. A me zong zo moyen de roaz in kalz gant gwell ze. Meus ke gwell roaz med, bedor? Non. Bon, e ben, me zong le brad velel. Hag on denel zo hanav mad Bavro et Eric Marchand. Ba dao viltri o a bet krou et gantan, Reis Academy, hag ve graiz e beb dao la ve bod et gantan, dao zog den yaong, vel an ebestel, dao zog vel an ebestel. Hag zon erien a kan erien, evimond o war rog, war dachen ur zon erez, hag han. A blan man c'hoaz, bon, et bibo de urbembe de rumat hag rumat se zo pres vraiment vi mont war leuren a mont de rang de ziskouez breiz an tamm bagouel yo breiz pez in kap dober kal se skrivadur kal ke skrivenerien neus bet skrive trog di war ben Ernest Renan po de Landrega an evesso zo bet skrive dadari or lever war bue Ernest Renan gant Jean Balcou. A Jean Balcou ne se laboure pas déglawarzé, hag a vidorvez tientan e beskrive de bu Ernest Renan gant ur braizat. Hag a zez ur war zo on tamm diz henvel des peso begret beta bremañ. Bon, ba gwen gamm zo o logo neve, zo bet krouet da nevezo, hag o logo ruadu a gwen, ive, on tamm vel ma peusoan banyol braiz hag gant livio skipañ mel drot. Hag dern deus un dud zo kontan ganzi, dern el zo en, ba evel kiz a kustum. Hendel, loar da chen ur brezon, hag ur strolat labourer yen dou ar brez, gal hag vel arnze agriculteur de Bretagne, an eus zin an evezo, karta yad ur brezon. Déplat vraiment, par de nan, vei trouer chapeliou. Hag blanc moroise, au bical, je dis, vei le trouer chapeliou. Tramne de ba chapel log maria, ba ilis log maria, zizo ba rostre, na fa, zio ba bonen gwejel. Hag ba ilis zant courant in trigorn, ba abat i kwan malouen, ba kerber, ba ilis zant angeli, ba chapel i trant variadru e melionok, hag videchui, ba ilis zant trefin. A kal je du de zo bet velet ze. Ve genom zo gontandar de ze murdier fawet, kaz zo vegwel kal ze drou livadurio, hag blan me zo roaz un disko ezad, gant on den hag neus gret tolenou, oayant betran pego ogie, a zo belar kan la so ba brezel perzeg. Hag chomera un disko ezad hag ze bet amiz heri. Hag bon, de nu gant ve de miz vwen oa bo de bazan egouden, kuzul meiran RKB, hag chanchman zo bet, yann perder edel oa ba pen un trou o de glaso, zo et de denzor ou bremañ, ba plas Eliane Rudulier, hag Alan Rous o podel de Spuredoise, zo et de président. Hag tu nevez o deud ba bur et RKB vel Hélène Dénes hag Odile Dax hag bon se tu aze or skipa yo encore en temps presse de Von Warog evid RKB bon se tu en temps pe so neve bavro merci Eric Kenavo Keno